Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante et je vais être avec vous pendant 3 heures là, pour passer à travers cette forêt de nouveaux albums qu'on a reçus pendant la semaine. Du côté francophone, petit avant-goût, il va y avoir Steve Paquet avec Le Temps des Aveux. On va aussi entendre Nathalie Locas avec 1000 saisons. Il y a Omega Dom. Et puis, du côté anglophone, The Birthday Cakes, il y a un paquet d'autres affaires, là, super bonne, de l'électronique, un petit peu tantôt, Building a Better Robot, an Indie Electronic Music Compilation. Si ça vous intéresse, restez avec nous jusqu'à la fin. On commence du côté francophone avec Loisel et compagnie. L'album est toponyme, et tout de suite, voici En Permanence dans le poste d'écoute à C'est Fou 89.1 FM. C'est la radio qu'on plus de Trois-Rivières. Oh oui, ce l'est. We'll be right back. deux appels en dedans d'une minute pour dire que je ne laisse pas aller. Ça arrive dans le poste d'écoute. C'est dommage quand l'émission commence avec ça. Mais bon, on vient d'entendre Loisel et compagnie avec En permanence. Et ça passe pas ici dans le poste d'écoute, ni assez fou. Donc, au revoir. On continue avec Steve Paquet. L'album s'appelle Le temps des aveux. Voici Jamais su. T'as jamais compris. Peux-tu me dire à quoi tu pensais? Maintenant trop tard, elle est partie, assoiffée par le vent, jaunie par le temps. Les fleurs tombent éventuellement, à tourner un peu trop autour du pot. Je n'ai pas trouvé les bons mots. Et comme on récolte ce qu'on sème, moi j'ai jamais su dire je t'aime. Elle cherchait un coin de soleil, jour de paye, un mot comme t'avais promis, un murmure à son oreille. Mais tu n'as rien dit, elle est partie, assoiffée par le vent, jaunie par le temps. Les fleurs tombent éventuellement, à tourner un peu trop autour du pot. Je n'ai pas trouvé les bons mots. Et comme on récolte ce qu'on sème, moi j'ai jamais su dire je t'aime. Si tu écris dans le ciel sur mes traces de semelle ou sur mon biscuit chinois, les mots faits en dentelle pour te dire que t'es belle se mêlent entre mes doigts. Si tu veux jouer l'espion et voir un jour le fond des cœurs de bohème, si tu veux jouer l'espion, j'avoue j'arrive de Pluton. J'ai jamais su dire je t'aime. Je t'aime. Moi j'ai jamais cru aux extrêmes et j'ai jamais su dire je t'aime. J'ai jamais su dire je t'aime. Doudou. Dire je t'aime. Le poste d'écoute. Le temps peut courir, est aspiré par en avant. Le temps peut dormir, comme dans la Belle au bois dormant. Le temps peut mentir, s'abattre en un instant. Jamais le temps de choisir, futur, passé ou bien présent. Respire, respire, le moment. Étire, étire, l'espace-temps. Pourquoi quand je veux rire, il faut que je fouille dans ma mémoire ou dans l'avenir avec le cœur rempli d'espoir? Faut-il vraiment mentir pour espérer un jour y croire? On trouve toujours à dire que le bonheur, c'est pour plus tard. Sur un train de vie qui ne mène nulle part, j'ai dû rester assis, m'endormir à la gare. Temps mort, sur une terre de feu, le temps s'évapore. Faire ce que tu peux, à faire ce que tu peux. Le temps s'évapore, il s'évapore. La vie sans sourire, c'est comme un peu passé dans le bar. C'est un musée de cire, ouvert seulement pour les flâneurs. J'ai cherché à m'enfuir, sortir de ma torpeur. Mais le temps est un vampire qui reste debout 24 heures. Sur un train de vie qui ne mène nulle part, j'ai dû rester assis, m'endormir à la gare. Temps mort, sur une terre de feu, le temps s'évapore. À faire ce que tu peux, à faire ce que tu peux. Le temps s'évapore, le temps s'évapore. Le temps s'évapore, le temps s'évapore, il s'évapore. C'est fou, fou, dans mon oreille. t'as jamais mis les pieds. Je t'ai eu. Continue. Moi, j'ai toute la nuit à attendre sur un banc. Sans savoir pourquoi tu me mens, toute la nuit devant l'appartement, la galerie et ses longs rideaux blancs. De tes mots voilés, j'aurais dû discerner le tissu décousu. De cœur en papier, tu l'as eu. Continue. Moi, j'ai toute la nuit à attendre sur un banc sans savoir. La nuit devant l'appartement, la galerie et ses longs rideaux blancs. Steve Paquet, la pièce Toute la nuit, précédée de Temps mort et de Jamais su, trois pièces de son album Le temps des aveux. SteveParquet.ca est son site web, et là-dessus, on apprend qu'il vient de Amqui, vallée de la Matapédia. Il a acheté sa première guitare à l'âge de 11 ans, il s'est fait les doigts sur du heavy metal et puis lentement sur de la musique québécoise. C'est en 96 qu'il a entrepris des études musicales au collège Vanier en guitare jazz sous les conseils de Tony Romandini. Et Nick. Tibatozo. Tommaso, oui, pardon. Il a reçu sa première bourse de recherche et création chanson calque en 2001, l'année où il a également transformé, formé son trio de jazz. Depuis 2002, par des groupes top 40, il a tiré beaucoup d'expérience de scène, autant au Canada qu'aux États-Unis. Depuis 2004, il est guitariste attitré du Funny Funky Brass Band, une des rares fanfares électriques. Il a reçu sa deuxième bourse du calque en 2006, effort fructifiant puisqu'il l'a mené à produire son premier album Le Temps des Aveux. Là-dessus, l'ensemble des 11 pièces sont nées de la guitare fingerstyle, basse, harmonie. Toutes les guitares jouées sur l'album sont de sa facture et ce sont elles qui appellent le style, le climat et les mots. Avec Le Temps des Aveux, il n'a pas voulu faire un album flamboyant et volatile, mais plutôt une œuvre de fond qui lui fera plaisir d'endosser même dans 20 ans. Voilà, donc Steve Paquet, son album est Le Temps des Aveux. Son site web est stevepaquet.ca ou encore myspace.com/stevepaquetca. Là-dessus, il y a des pièces à écouter. Jamais su, Mon char et la pièce titre Le Temps des Aveux. On passe du côté anglophone dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Le prochain groupe s'appelle OK Giraffe. On va entendre Heaven Only Knows et Let Them Go, mais on commence par Black Blood Famine tout de suite au poste d'écoute. C'est fou, 89.fm. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Far down, scrounging deeper down, down here, far down, black blood, far down, down here. here, far down, scrunching deep, far down, down here, far down, black blood, far down, down here, far down, scrunching deep, far down, down here, far down, down here, far down, down here, far down, scrunching deep, far down, down here, far down, black blood, far down, down here, far down. Retour encore un peu de OK Giraffe. Et ensuite, on découvre Nathalie Locas dans le poste d'écoute à C'est fou 89.fm. Le poste d'écoute. Be the way is all you have. Deux pièces du nouvel album de OK Giraffe qui s'appelle aussi OK Giraffe. Faut y entendre Let 'Em Go, précédé de Black Blood Famine dans le poste d'écoute. Et là, sur leur MySpace, au myspace.com/OKGiraffe, 2F, c'est de la musique Roots Music Soul Acoustique, un groupe de Montréal qui va d'ailleurs être en spectacle à Montréal le 30 janvier à 20h à la Sala Rossa. C'est le Moustache Party Extravaganza 2009. Et puis ensuite, ça va être en février à Montréal, ensuite ils vont à Toronto, un peu partout en Ontario, ils reviennent à Montréal, puis ils seront en Alberta pour se tourner pour OK Giraffe. Les membres sont Rosa Smedley à la voix, l'upright bass, désolé pour les termes en anglais là-dessus, guitare aussi, Kevin Bertram à la voix, l'upright bass aussi, et l'accordéon et la guitare, et finalement Brandon Goodwin à la batterie et à la trompette. Je répète l'adresse myspace.com/OKGiraffe, et leur album s'appelle comme ça aussi. On retourne du côté francophone pour aller entendre l'album « Mille saisons » de Nathalie Lucas. On commence avec la pièce « Illusion de rêve » tout de suite dans le poste d'écoute. Ah, c'est fou, 89.5. C'est fou dans vos oreilles. Face à la réalité de me donner des illusions de rêve. J'écoute tout ce qui bouge, à condition d'être, à condition d'être. Questionnant toute liberté sur ce qui pourrait bien me contrôler. Je marche et marche, droit devant la lumière qui m'éblouit. De ses envies, je marche et marche pour faire passer au travers des ondes pas mal trop profondes, de trop long. Mais qu'est-ce que j'ai à me cacher de chanter l'air humoristique de mon vivant? Je vais pas laisser mon silence stagner sans transe, stagner sans transe. Je veux sortir d'un rêve car il est pourtant possible de vivre sur terre. Je marche et marche droit devant la lumière qui m'éblouit de ses envies. Je marche et marche pour faire passer au travers des ondes pas mal trop profondes, de trop long. Après avoir dessiné ce rêve de toutes ces manières, je cours vers ma raison d'être. Vers ma raison d'être, mon cœur s'essouffle à force de craindre que ma joie de vivre puisse arrêter tant. Je marche et marche, droit devant la lumière qui m'éblouit de ses envies. Je marche et marche pour faire passer au travers des ondes pas mal trop profondes, de trop long. Le poste d'écoute. Changeant d'univers, sans adresse, mes souvenirs se blessent. Des fils dans ma nuit, qui parfois encore m'amènent la nostalgie. Trop souvent, toujours en suivant mon est, je prends le courant. Je ferme les yeux, suivant le mouvement. Thank you. chemin là pour qu'on fait sourire, pour qu'on fasse chaval ces poussières d'ennui. Que la prochaine fois peut-être. Nathalie Locas avec Poussière d'ennui précédée d'Illusions de rêve. C'est sur l'album 1000 saisons. Et ça non plus, ça fait pas l'unanimité. Disons qu'il y a quelques affaires dans la première heure qui n'ont pas fait l'unanimité. Pas que c'est mauvais nécessairement, mais je pense qu'on va s'arrêter ici avec deux pièces de Nathalie Locas. On dit sur son MySpace, myspace.com/ Nathalie Locas, qu'elle est du Québec. Ça dit pas sa ville. Ah non, ça l'a dit. Elle est née à Châteauguay en 84. Elle est entourée de musiciens et ça depuis sa tendre enfance. Ses oncles évoluant dans ce sens l'ont fortement encouragée et poussé à en faire autant. Allez voir donc myspace.com/ Nathalie Locas pour en apprendre plus sur elle. Je pense pas que c'est le genre de musique qui va jouer terriblement assez fou, mais ça a ses fans, ce genre de musique-là. C'est d'accord. On continue avec un groupe canadien qui s'appelle Paper Moon. Leur maxi ou EP, là, comme vous le voulez, un album de seulement quelques pièces, s'appelle What Are You Going To Do With Me? Et tout de suite, voici la pièce titre. What Are You Going To Do With Me? Qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble. I can give you a Pièce courte là, de Paper Moon, We Can Take the Long Way dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble. C'est déjà la fin de la première heure de l'émission. La deuxième va être les plus diversifiées, comme je vous ai habitué avec le temps. Là. On va entendre The Birthday Cakes, Romper Room. On va aussi avoir Colin, un nom illisible, je dirais, sur leur album. Mais bon, je pense qu'il s'appelle Twist, l'album. Ça va être intéressant, il va falloir rester là pour ça. Mais on va se quitter avec une troisième pièce de Paper Moon. Elle s'appelle These New Friends of Yours Candlelight Mix. Et pour ceux qui écoutent la rediffusion du samedi ou du mercredi, il y a toujours 20 minutes de contenu additionnel. Donc, vous allez entendre au moins Down With Safe. Et je vais essayer de parler un petit peu de Paper Moon au début de la deuxième heure. Vous êtes dans le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou, ça! It's crazy that! Hein? It's crazy that. These new friends of yours speak of ashes and dust. Where are they taking us? Feels like the end, but we're just beginning. These new friends of yours won't show their faces to me. They stand in shadows, but I can see they're always near. And I've no time for them. Can we leave them behind? We'll lose them in the sunshine. Listen. been thankful. Think that's a long blacklist, not makes a good answer. Don't bring your own firearms, our problems go faster. Not makes a good answer. A good answer, scenic like a rest belt, safer when the clock stops. Yes, doesn't get out much, no one likes an expert. Time out of just pavement, I'll write a punk rock song. Already been tried out, you could have been thankful. Now makes a good answer. Now makes a good answer. Street's a headache, how's he do it downtown? Simple things are no good, doesn't really matter. Cross the street's a headache, how's he do it downtown? Simple things are no good, doesn't really matter. No makes a good answer. No makes a good answer. Beautiful voice, it carries me away as if I've no choice. Bon, attends, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, en même temps que vous, oui, vous, sentez-vous inclus là-dedans. www.unechance.com, c'est le site de l'émission. Vous pouvez retrouver tous les liens des artistes qu'on joue dans l'émission et pour télécharger la balado-diffusion en MP3. Dans cette deuxième heure, il va y avoir The Birthday Cakes avec leur album Romper Room. On va aussi entendre du Omega Dome avec Gourou Arc-en-Ciel. Ça m'a l'air plutôt intriguant par la pochette dorée, on pourrait dire. On commence avec du francophone, c'est la formation Doris et c'est Robert. Leur album s'appelle Queen Kong. C'est juste vraiment, vraiment mignon. Voici la pièce titre tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1. On me met au défi de changer de pièce pour voir si c'est différent pour la deuxième, OK? Dans le posé. Ah, il y a du mouvement dans cette émission-là. Cette semaine, on m'a encore une fois le téléphone. Moi, j'ai reçu des téléphones au 819-376-5183, le numéro pour nous rejoindre en ondes, là, le vendredi matin. Et puis, à ce qui paraît que c'est très mauvais, ça. J'écoutais pas vraiment. Doris et c'est Robert, l'album s'appelle Queen Kong. Histoire ordinaire et le nom de la pièce. On a entendu avant ça Queen Kong. Je vais laisser le lien sur le site de l'émission au www.unechance.com. On continue du côté canadien. Voici The Birthday Cakes et Buried Treasure. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do vous avez? 89. Birthday Cake, c'est leur album Romper Room. On vient d'entendre la pièce, une pièce qui s'appelle Tame Tyson. Avant ça, c'était Bob Rob. Il y avait When Good Bears Ghost Bad. Et Buried Treasure a commencé ça. Donc, quatre pièces pour totaliser un bonheur pour moi parce que j'ai bien aimé The Birthday Cake. Par moments, c'est un petit peu étrange. Ça change tellement de style. Ça passe de je crie à mort à c'est super relax. Bref, ils se disent Disco House New Wave Electro. Cette formation de Birthday Cakes, ils viennent de Sudbury et ils sont au myspace.com/birthdaycakes2. Hein, le 2 à la fin est très important. Clayton Drake à la science, Cameron Drake à la magie, Carter Drake à la passion. Hein? C'est vraiment, vraiment génial. Ils ont un paquet de spectacles en ce moment en Ontario. Donc, si vous voulez vous renseigner encore une fois, c'est myspace.com/birthdaycakes2 ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. On continue du côté francophone maintenant avec Omega Dome et l'album Gourou Arc-en-Ciel. La pochette, je vous l'explique. Le titre est écrit de façon arc-en-ciel, le titre de l'album. Le nom Omega Dome est écrit avec un genre de relief argenté. Et toute la pochette au complet est en genre de petite pépite d'or. Donc ça fait vraiment kitsch. On commence avec la pièce homonyme de la formation. Voici Omega Dome dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. Et ça, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Juste, je dis ça pour ceux qui ne savent pas encore. Tu sais, pensez pas que je vous dis des affaires que vous savez déjà. Hein? Hein? Hein? Ouais. L'histoire que je vais raconter se déroule maintenant, en ce moment, sur une planète bleue, à la fin. imaginaire, synthétique. Une histoire qu'on a déjà vécue. Sur votre planète me rappelle celle de notre temps. Si tu veux le connaître, ce monde fascinant, faut sortir de ta tête. Tu vois comme ton cœur est grand, la porte est grande ouverte. Je te prends. J'ai jamais vu une émission comme ça. Vous êtes donc bien sévère, tout le monde. On va rien jouer au complet dans l'émission d'aujourd'hui, on dirait. Donc, les gens aiment pas ça. C'est Omega Dome avec Gourou Arc-en-Ciel. Le lien est sur le www.unechance.com. On passe à 20 Big Mistakes, qui va être en première partie du spectacle des Vulgaires Machins pour le Carnaval étudiant de l'UQTR. Les voici dans le poste d'écoute. On découvre toutes les nouveautés, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans votre Radio Campus. C'est fou. 89 fois. passion for all my insecurity, and this is emanating from a very bad habit, very bad past. Putting some strain on the loving, strain on the loving, really at last. Breaking it down, breaking it down. Should I be bringing it up? Now breaking it down, down, down. Is a crime of the heart. I know it couldn't and it shouldn't be right. Doing my best, looking at things in a different way, a different light. I hope you see again faith in me again. I'm never gonna, ever gonna let you down. Know how to do it and I just have to believe it every time a situation comes around. Picking it down, picking it down. Should I be picking it up now? Picking it down, down, down. Picking it down. Again, no, it won't be the end of my intention to be a better man. Overall objective is to shift my perspective and line things up whenever I can. We can heal everything we talked about, everything we hope we find. When we get to this place, together we're strong again. Now we get along again. Now my hands are in your face. Breaking it down, breaking it down. Should I be beating it up now? Breaking it down, down, down. Breaking it down. C'est fou dans vos oreilles. Little taste of what some people live every day. day. Little taste of what a lot of people live every day. Le poste d'écoute. Shane Phillip et la pièce Insomnia dans le poste d'écoute. Ça vient d'album Live at Baker Studios. Avant ça, il y avait la pièce Stranded. On a débuté avec Breakdown. Ça vient de son donc tout nouvel album Live. Ça a été enregistré, ça, en fait, ça dit, l'album a été enregistré sur le plancher des Baker Studios. La session a été courte, mais bonne. 3 heures pour s'arranger, arranger les instruments et tout ça. 9 heures d'enregistrement et puis 12 heures pour faire le mixage. Le but était de faire un album qui sonnait comme s'il avait été enregistré en direct, donc pas de overdubs ou de looping. Shane Phillip live at Baker Studios. Allons voir sur son MySpace, au myspace.com. Alors, Shane Phillip, qu'est-ce que ça dit sur lui? Ça dit qu'il vient de Montréal. Soul Roots Music Funk. Allez voir shanephillips.com aussi pour plus d'informations. Influence Donny Hathaway, Marvin Gaye, Leon Russell, Joey Mitchell. Shane Phillips, toujours aussi bon. Il a déjà été sur le palmarès de ces fous. On continue avec du francophone, c'est Egrégor qui nous amène l'album L'amour à perpétuité. Là-dessus, il y a des pièces tout aussi loufoques que Pendant que tu fais pipi, ou encore Le chien mexicain, ou L'as de la glisse, et Faire pitié peut-être un bon moyen de persuasion. Mais on commence avec Lettre à mes parents adoptifs. Tout de suite, dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble, à C'est fou 89 FM. C'est fou, ça! We'll Je suis né, je me suis mis à penser sans trop êtes au 89.1 sur la bande FM. Écoutez-nous en direct partout sur la planète au cfou.ca. Pendant que tu fais pipi, fais attention parce que ta toilette pourrait te manger. C'est le message à retenir de cette pièce pendant que tu fais pipi. Avant ça, c'était Flirt. On a débuté avec Lettre à mes parents adoptifs. C'est bien de l'album L'amour à perpétuité de Égrégore. Fais ensuite à une démo qui connut du succès auprès des radios universitaires et communautaires. Les 11 chansons du disque ont été composées, écrites, interprétées et arrangées par Grégory Lemay, habituellement associé au domaine de l'écriture de fiction, comme le roman de l'été chez Léméac. C'est d'ailleurs dans une solitude semblable à celle celles qui impliquent la création littéraire qu'elles ont été conçues. On a aussi l'impression de nouvelles chanter, voire crier sur les aléas de l'amour. Une certaine crudité côtoie finesse ou sensibilité, dit BlueTracks.ca. De même que l'ironie répond au transport émotif et vice-versa. L'amour est tantôt frais, romantique, tantôt désespéré ou bien pathétique. Il peut même mener jusqu'au changement d'orientation sexuelle de dernier recours. Hein? BlueTracks.ca, quel beau texte. Sinon, vous pouvez aller voir aussi myspace.com/égrégore pour en apprendre plus. Ça dit qu'un égrégore pourrait être défini comme la résultante ambiante des énergies individuelles en présence. Mais je suis seul. Même si « et » est là, je suis seul. C'est que je voudrais ne pas l'être. C'est songer, hein? Égrégore, artiste montréalais, l'album est en vente maintenant et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai mis un petit cœur à côté sur le site de l'émission au www.chance.com. Là-dessus, ben, j'ai pas mis grand cœur jusqu'à maintenant. Là. Disons, Shane Philippe en a mérité un. Mais bon, allez voir là-dessus et je vais couronner mon poste d'or d'ici la fin de l'émission. Je l'espère. Sinon, ça va se faire sur le site de l'émission. Encore une fois, unechance.com. On se quitte avec la compilation Building a Better Robot, an Indie Electronic Music Compilation. Donc, une compilation de musique électronique indépendante. Vous pouvez le télécharger au complet gratuitement sur electronicheel.com. Tout de suite, voici Obfusque des États-Unis avec Delayed Sunshine Reaction. Suivra pour les gens qui écoutent la rediffusion du mercredi ou du samedi Neonland de Detective Byron de Suède et Mad de Sintemu en Italie. Restez avec nous, c'est le poste d'écoute et il y a une troisième heure qui s'en vient, donc il ne faudrait pas la rater. Hein? Empty streets, trees. Retour sur la troisième heure du Poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, on va entendre, entre autres, Meadowlark Lemon et Annabeth Gish. Mais on commence avec un groupe qui a été poste d'or quand on a reçu leur maxi il y a de cela quand même assez longtemps. Je vous dirai la date tantôt. C'est Music for Money. Il va y avoir Vague et La Marche. On commence par leur pièce Redemption ou Rédemption. Tout de suite dans le Poste d'écoute à C'est fou 89.fm. Excellent ça, Music for Money avec la pièce La Marche. Justement, c'était Redemption ou Rédemption. En passant, Music for Money, j'ai cherché, là, c'était le poste d'or de l'émission du 23 novembre 2007, ici dans le poste d'écoute. Donc, Music for Money, un groupe de Montréal, au Québec. C'est génial. Prochain spectacle, le 6 février à 20h30 au Patrovis. Hein? Show Party, album release. Ensuite, il va être le 12 février à 20h30 au Cercle de Québec, puis ils reviennent à Montréal en mars. Myriam Boucher au piano, clavier, électro et programmation des beats. Pierre-Luc Lecourt, guitare, percussion et aussi au beat. Jérémy Jones à la basse et l'upright basse. Et Dominique Lagu aux percussions vocales et électrophonétiques. Music for Money, groupe de musique instrumentale à la fois prétentieux et romantique, disent-ils sur leur MySpace. Baveux et amoureux, Music for Money se veut la réaction sensible à un système de production et de création plastique. Un nom des chanteurs, chanteuses à voix trafiquées à leur méga-production qui les pousse à coups de marketing vide basé sur des images refaites, pots de vin et pushing, une pollution du son, une machine à production d'artistes vides. Oh, ça répète le même bout que tantôt, je pense. Une surstimulation de musique homogène. Dans toute sa prétention, Music for Money se veut vrai, imparfait, sans implant et sans cul refait. Music for Money crée sans compromis des univers sans parole, des microfilms sonores où se croisent beauté et violence. Ils expérimentent, cherchent de nouvelles avenues. Ils saluent les créateurs qui osent, amoureux de leur art, se distinguant par leur originalité et leur inventivité. Music for Money se veut authentique, exagéré, voire compassionné et indépendant. Allez voir myspace.com/musicformoney ou encore musicformoney.ca pour plus d'informations et pour écouter des pièces de leur album le plus récent là, qui s'appelle aussi Music for Money. On reste dans un style relax, si je comprends bien, avec la prochaine formation qui est Meadowlark Lemon. L'album s'appelle Twists. Et tout de suite, voici la pièce Sand dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble, dans votre Radio Campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM. C'est fou, ça! On dirait un sermon avec la musique. Hein? Oui, mes fidèles. Écoutez ça. Retour plus de Meadowlark Lemon et Annabeth Gish dans le poste d'écoute au 89.fm. Le poste d'écoute. Meadowlark Lemon et dernière pièce Ropes, précédée de Sand, dans le poste d'écoute. Leur album s'appelle Twists. Ils viennent de Sudbury, en Ontario. C'est du folk rock zouk ambiant, selon leur MySpace. Mais vous savez ce que les gens disent sur MySpace? Pas toujours exact. Ils sont en tournée en ce moment de l'Ontario. Ils passent par les belles chutes Niagara. Jonathan Danny Live à la guitare, la voix et percussion. Clayton Drake, clavier, voix, percussion. White Noise et réverbération. Allez voir myspace.com/MeadowlarkLemonBand. Ou passez donc par le site de l'émission www.unechance.com. Le lien est là-dessus. Même chose pour tous les artistes qui jouent dans le poste d'écoute chaque semaine. Il y a aussi, bien sûr, la balado-diffusion à télécharger si vous aimez l'émission et que vous avez envie de la réentendre ou de l'écouter pour la première fois en différé. C'est sur le www.unechance.com. On avance. Il reste que quelques minutes à l'émission. On va passer à Annabeth Gish. Leur album s'appelle Our Wake Hours. C'est dur, ça. Our Wake Hours Leap. Hein? Presque. On va entendre la pièce Of Paradoxal Snares. Mais tout de suite, voici A Widow's Praise. Alors qu'on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble et qu'on essaie de les prononcer correctement. C'est le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Le poste d'écoute. Time. Annemeth Gish avec Of Paradoxal Snares de l'album Our Wake Hours Leap, précédé de A Widow's Praise. Donc Annemeth Gish qui est sur myspace.com/Annemeth Gish, mais c'est un petit peu difficile à appeler, donc je vais vous laisser aller voir sur le site de l'émission au www.unechance.com, unechance.com. Donc c'est un groupe d'alternatif progressif rock qui vient de Calgary en Alberta. Cian Ailey, Benjamin Middleton, Andrew Ulicki, Dario Uden Varelli. Prononciation approximative, mais quand même, ce sont les membres du groupe. Allez voir sur MySpace ou encore leur site officiel annemethgish.com. On va terminer l'émission avec le Brent Randall. Brent Randall and his Pinecone, c'est le nom de son groupe. C'est du indie pop alternatif de Halifax en Nouvelle-Écosse. Leur album sort le 24 janvier. Et cet album-là, qui a un nom assez étrange, si je me rappelle bien, We Were Strangers in Paddington Green. Hein, ça dit rempli de couleurs, d'arrangements grandioses. C'est 26 musiciens avec des flûtes marimba, banjo, piano, harpe, guitare, basse, batterie et un paquet d'affaires comme ça. C'est beaucoup de choses. On va les entendre avec la pièce Strange Love, Don't Be Lazy. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi entendront d'autres pièces, dont Four in the Shadow of a Moonbeam. Nous, on se quitte. Et puis, je dois dire aussi le poste d'or que j'oublie toujours, que je suis donc pas gentil. C'est Égrégore avec L'Amour à perpétuité. J'ai beaucoup aimé ça. Allez voir le site de l'émission unechance.com pour en savoir plus sur eux. Et pour télécharger la balado-diffusion, je m'appelle Mathieu Plante. Et vous avez été planté, non? Non, vraiment pas. Bonne semaine, tout le monde. C'était le poste d'écoute. Au revoir. far, far away from here. And moondrops make our world gently disappear. For in the shadow of a moonbeam, between the ripples of a heart stream, this is where I like to stay. But we can only pray that our sun won't rise today. Be high above the atmosphere, and doombugs drive us round from here to there. For in the shadow of a moonbeam, between the stitches of a heart. Scrub a dub dub in the fountain.